Écoute ça. On prône là. C'est chaud. Les clones parlent. On crache le câble. Corps mais synchro. Trop tard. Notre âme est verbale. Rappelle les guerres sales. Accordé l'intro. On prône là. C'est chaud. Les clones parlent. On crache le câble. Corps mais synchro. Trop tard. Notre âme est verbale. Rappelle les guerres sales. Ce que je fais, j'achète coup de force. Que je gratte, remue tout le corps. Qu'on crache beaucoup de morts. Pas d'œuf à la goutte d'or. Les violentes métaphores. Tu l'abordes, mais d'accord. Je suis le maître à bord. Quand je dis que j'ai perdu la porte. Ma clique du pur accord. Refaut dur par la tort. Qu'un gré à part la mort. Faro et la camarade. Dit, je vois pas le rapport. Mais regarde comme on canarde. Dès le premier accord. Ça part d'en garde. On bombarde. Travaille au corps. Rappelle notre foutu sport. La lumière tarde sous tous nos stores. On a bossé pour niquer ton transistor. J'y reste une piche. Flip, on est carnivore. Cannibal fils, réveille pas la bête qui dort. On prône là. C'est chaud. Les clones parlent. On crache le câble. Corps mais synchro. Trop tard. Notre âme est verbale. Rappelle les guerres sales. Accordé l'intro. On prône là. C'est chaud. Les clones parlent. On crache le câble. Corps mais synchro. Trop tard. Notre âme est verbale. Rappelle les guerres sales. Face dur, cela, tu vas le recevoir. Y'attendra, tu que j'évite, autant que les raclures, c'est trip. Sur que les lapsus, j'extirpe. Qu'on dise pas que j'ai pas su écrire, que c'est B2. On est là pour les assujettir. Ça te fascine. Que le roi, le plus dur, et ses sbires. Assassine. Mais même pas, très pas, plus que mes dires. Je suis armé plus que les péistes. Refuse que les plus fêtés se désistent. J'ai trop sur les pistes pour sortir un disque sans mesurer les risques. Trop de similitudes. Entre putes et ministres. Font que je débite sur des buts et sinistres. Même les plus éclectiques, désormais non que pour ma clique. Qui fait feu sur ma zig. Malgré mérite et quelques kicks. T'explique, notre philo siège. Même sans flow, notre texte kick. On pratique les colis licites. Je produis des caves que le potier bicrabe sous le menton. Les larves de Tommy prennent garde à la batte du plus fou du Nanton. Corto, ceux de Rocco du rap, sache qui débande trop. Quand j'augmente mes mots dans sa potence de me le camp, c'est tant de flow. Survivre à mes clashs. Pour eux, serait le banco. Plus si malgré ça, si tu piches pas le message, ici on kick Franco. On prône là. C'est chaud. Les clones parlent. On crache le câble. Corps mais synchro. Trop tard. Notre âme est verbale. Rappelle les guerres sales. On prône là. C'est chaud. Les clones parlent. On crache notre câble. Corps mais synchro. Trop tard. Notre âme est verbale. Rappelle les guerres sales. Verser la tendance putassière. Et verser ce que j'en pense en tergiverser pour une carrière. Versé par les sentences d'une délinquance qui prostitue sa guerre. L'indépendance me permet d'exercer quand les instances occupent la sphère. Reclus au sommet de ma tour d'ivoire. Je sais que vu les crimes qu'on commet, on refait le cours de l'histoire. Mon miroir me connaît, je suis trop laid pour m'y voir. Ambition dérisoire auquel le ciel ne promet que de courtes victoires. Y'a des gouffres si noirs que n'importe quel preneur de citadelle laisserait son crew échoir. C'est pas les pires des coups qui foirent. J'annonce le chaos comme les carabelles, mais vous êtes plus tricard. Mon flow, les MC s'y attellent et s'y penchent pour y voir. On vaut mieux que les produits des majeures compagnies qui harcèlent l'auditoire. Donc je parle fort et bien haut. Mon texte attrape à bras le corps dès l'intro. J'ai l'art de clore un show, je veux pas le sort d'une info. Faut rendre à César ce qu'il y a à César. Tu veux 16 bars, je te sors des lingots. C'est chaud. Les clones parlent. On crache notre câble. Corps mais synchro. Trop tard. Notre âme est verbale. Rappelle les guerres sales. Accordé l'intro. On prône là. C'est chaud. Les clones parlent. On crache notre câble. Corps mais synchro. Trop tard. Notre âme est verbale. Rappelle les guerres sales. Avis aux soqueurs, aux pseudo défourailleurs, aux pseudo rappeurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Dire qu'un événement se prépare. 5 parias du rap en activité sur le territoire ont l'intention de balancer leur grain de voix, leur grain de sel sur SM. Appuie sur play, fais péter le gain. Combien de groupes sont à la hauteur? On entend loupe l'auditeur avec du vent. Le paraître à la place du talent et la tenue vestimentaire en avant. Tu veux du vrai rap? Un morceau à la basse bien grasse et à la caisse qui claque comme un coup de gueule. Te garantis un son qui frappe pour faire bouger les têtes et que ça pète comme un coup de gueule. Paraît que la tendance est au texte tordant. Ici le beat est lourd et le verbe est mordant à fond dedans. Depuis X temps dans strip. Pas étonnant que pour ta clique on inspire tant de flip. Pas étonnant que pour ta clique on inspire tant de flip. Regarde, les racines, c'est chaud là. J'ai arrêté, elle est venue seule tout. Mais si on avait parlé deux jours avant, à la minute, j'aurais bien voulu bouillir. Elle m'a sorti, elle dit bouillir, mais la nuit. Mais non, pas bouillir, mais en gros. Vous allez la ramener. Attends. Wesh mon frère, j'ai kiffé sur, j'ai kiffé ma ration, ouais.